I'm pain, pain, pain. It's alive! Je ne crois pas vous surprendre si je vous dis que cette édition du Undead Incorporated Show Réanimation sera chargée, d'autant plus qu'elle commence en retard. Elles le sont passablement toutes. Chargées, oui, puisqu'en plus de vous la programmation régulière ou irrégulière, c'est comme vous voulez, elle comprendra la présentation de 4 nouveaux albums. C'est un peu comme faire 4 interventions chirurgicales sur 4 patients différents, mais en même temps. Ça se fait. Mais les résultats sont parfois un peu étranges. Je me rappelle avoir eu ce genre de pratique il y a quelques années. Et j'avais réussi à faire toutes les greffes requises. À l'exception d'un estomac qui avait été mis à la place du cerveau. Ça ne fait pas exactement le même travail. Le patient digérait parfaitement toutes les données, mais restituait des réponses quelque peu boiteuses. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque sa conception de la pratique médicale ressemble à s'y méprendre à celle d'un casse-tête défectueux. Le ou les morceaux de trop, faites-moi confiance, je vais leur trouver une place. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, 'cause fear is my fucking business. We are undead incorporated, 'cause I, Pendragon, said so. Go. domination by my art, my words, and my faith. Grace for those who will follow. Pain and death for disbelief. Yeah. Pray to the God. Confession and deliverance. Pray to the God. Performance and relief. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Vous êtes passionné ou curieux du monde de la course automobile? Vous voulez en savoir sur la technologie des véhicules électriques? Dans l'émission En piste avec Tania Baudin, on discute de tout ça et bien plus. Formule 1, NASCAR, karting, World Rallycross, En piste avec Tania Baudin, les mercredis à 14h. Bonjour, ici Noé Talbot qui vous parle en direct de la 4e Rivière. Je voulais pas dire que c'est fou de jouer à C'est fou, fait que c'est débile de jouer à C'est fou. Vous m'aviez tant promis. Vous pouvez écouter mon tout dernier extrait à Matane. J'ai failli l'appeler. Qu'est-ce qui est écrit? Trois-Rivières. Sauf qu'il n'y a pas de crevette à Trois-Rivières. Fait que j'ai appelé Matane. Vous écoutez Noé Talbot sur les ondes de C'est fou. Et reste à qui, ce qui est pour nous dire adieu. Si on a déjà tout vendu, même notre Dieu. Cogeco et la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières vous proposent Bernard Adamus et son spectacle en threesome, s'il vous plaît, le 22 septembre, La Touchante Béris le 19 octobre et Tire le Coyote le 30 novembre. Pour tous les détails, visitez enspectacle.ca. C'est fou, 89.1. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette première édition de réanimation du mois de mai en cet an de disgrâce 2017 avec un petit peu de retard. I apologize. On vient d'entendre avant cette pause publicitaire formation danoise Prevail, une de mes révélations de 2016 et la pièce Blood Eagle, pièce d'ouverture de cet album War Will Reign. Premier paru en 2016 de façon indépendante et le Blood Eagle, l'aigle de sang. Ben, si vous avez suivi la série Vikings, vous avez compris en quoi ça consistait. Ce qui n'est pas ce qui doit certainement pas être très agréable à se faire faire. Juste avant, formation suédoise Sith Lord et la pièce Die for Nothing, tirée de leur premier album Toxic Mind, également paru indépendamment en 2016. Une autre demi-retenue de cette année, Vader, formation polonaise qui n'est probablement plus à présenter, et la pièce Prayer to the God of War. Pièce qu'on retrouve sur... Iron Time, un hippie, un mini-album, un maxi si vous voulez, qui est aussi sur l'apparition studio Empire, leur dernier album, que j'ai plus ou moins aimé, je dois dire, sous étiquette Nuclear Blast. Mais cette pièce-là, Prayer to the God of War, je trouve que c'en est une des bonnes. Et en ouvert avec les Allemands Destruction et Pathogenic, pièce tirée sur l'album, le 14e Under Attack, paru en 2016 également sur Nuclear Blast. Ah oui, soit dit en passant, la parution de Vader étant la 31e, c'est quand même pas rien, là. Ce soir, bousculé par le temps, oui, effectivement, parce que plusieurs trucs à présenter, à parler, que ce soit au niveau musical, les nouveautés, aussi au niveau cinéma, chronique et télévision également. On va, sans plus attendre... continuer musicalement, cette fois-ci avec un bloc dans lequel, oui, il y a du black metal, je dois le dire. Il m'arrive d'avoir certaines écarts de conduite. Mais comme je l'ai déjà expliqué à ma entreprise, lorsque j'en place, j'en programme plutôt à l'émission, ce sont des pièces que minimalement je trouve correctes, évidemment, hein, parce que sinon c'est quoi le but de faire une émission si on passe des choses qu'on n'aime pas. Entre autres, on va entendre Immortal. Ben, on parle de black metal, mais des valeurs sûres, bien sûr, et Satyricon. Mais débutons tout de suite avec une reprise de Slayer. Une reprise, une pièce de Slayer, Hell Awaits. Très bonne reprise, je dois dire, par Cradle of Filth, qui est apparue sur l'album compilation Lovecraft and Witch Hearts, qui est paru en 2002. Ben, allons-y, hein. Hell Awaits, Cradle of Filth, go! Fire!

19h56 et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation The Undead Incorporated Show jusqu'à 21h. Avant la pause publicitaire, on a entendu un bloc constitué de trucs qui pouvaient se rapprocher du black metal pour plusieurs. En fait, juste avant la pause, la formation norvégienne Immortal et la pièce de formation, oui, d'une certaine façon, Immortal, c'est une formation. Oui, c'est trois gars. On en voit tout le temps juste deux, mais bon. La pièce Hearts of War, très bonne pièce, je dois dire, qui est tirée de leur 8e album All Shall Fall, et qui est paru en 2009 sur Nuclear Blast. Nous avions juste avant de Oslo, Norvège, Satyricon et Commando, tiré de cet album The Age of Nero, leur 7e, qui est paru en 2008, mais qui est aussi étrangement l'avant-dernier, puisque le plus récent de 2013. Donc, ils sont plus ou moins proactifs au niveau du studio. Formation existe bel et bien toujours. C'est un duo. Sait-on jamais. Juste avant de Athens, en Grèce, bien sûr, Rotting Christ, la très bonne pièce Enuma Elish, qu'on retrouve sur leur 9e parution, Terrogonia, qui est paru en 2007 sur Season of Mist. C'est un très bon album, Terrogonia et Enuma Elish. C'est vraiment une excellente pièce. Et on a ouvert avec une reprise d'une pièce originale de Slayer, Hell Awaits, reprise par la formation britannique Cradle Filth. Bonne reprise, oui, très bonne reprise. Une époque de jappage pour Danny Filth, mais ça passe bien dans la pièce, je dois dire. Qui est tirée de la compilation Lovecraft and Witch Hearts, qui est parue en 2002 sur Music for Nation. L'époque où Cradle of Filth donnait dans un... en fait, ils ont changé de style à peu près trois fois, là, passant du death au début, aller au symphonique black metal. Et maintenant, ils sont plus dans le gothique extrême. Ce qui me plaît un peu moins, là, mais bon, ça, c'est discutable. Ben, pas du tout, c'est moi qui l'ai dit. Bon, OK. Blague à part, première présentation de Nouveauté de la semaine. Nouveauté de la semaine! Un album qui est paru le 21 avril dernier, de façon, je dirais, probablement inaperçue pour bien des gens, qui est quand même signé sur Century Media, une étiquette majeure dans le monde du métal. Je parle de la formation de Gothenburg, en Suède, Vampire. Oui, c'est un nom qui a été utilisé une douzaine de fois au niveau du métal dans des noms de groupes, de formations, soit associés avec un couplet avec un autre mot, un autre nom. Comme je disais un petit peu la semaine dernière, d'emblée, ça me laissait peut-être dire « Ouah, c'est-tu... ouais, c'est peut-être du déjà-vu beaucoup avec un nom de même. » Mais j'ai quand même pris la chance et j'ai été agréablement surpris. Et tellement, je dois dire que, bon, l'année est jeune quand même, nous ne sommes qu'au début mai, mais je prévois déjà que Vampire fera partie de mes retenues de 2017. Formation qui donne dans un... ils sont qualifiés... De death thrash metal. Moi, l'aspect death dans ça, je le vois plus ou moins. Je dirais plutôt que c'est une formation qui donne dans un thrash à connotation très heavy metal, plus traditionnel, mais à la sauce actuelle. Formation qui a peut-être été influencée par formation Satan. Formation très très bonne dans la New Wave of British Heavy Metal, qui encore aujourd'hui sort d'excellents trucs. Ben, moi, je retrouve certains arrangements un peu qui viennent de Satan, entre autres, ce qui me plaît bien. Et avec, en fait, l'atmosphère, je dois dire, honnêtement, le nom a été bien choisi. Je trouve que ça fait très transylvanien comme musique. C'est un deuxième album pour Vampire. Le premier album étant l'album homonyme paru en 2014 que je vais probablement tenter de découvrir quelque part, certainement. Celui-là, il s'appelle With Primeval Force, et comme je le disais, il est paru le 21 avril dernier, Century Media. Je vous ai préparé plutôt trois pièces de cet album pour vous donner un bon aperçu de l'album, et j'ose espérer qu'il va plaire à plusieurs d'entre vous, parce que je trouve que c'est excellent. Ben ça, c'est ma façon de voir les choses, et c'est évidemment la seule. Let's go! We'll be right back. Attack back! Je ne vous souhaite pas bien, alors c'est une blague. Est-ce qu'on est farceur? Ben oui! Trouvez drôle, toi aussi, Arras, hein? Faut dire que c'est pas pour grand-chose pour rire, toi. T'es un petit peu simpliste. On vient d'entendre la formation suédoise de Gothenburg Vampire et trois pièces tirées de leur plus récente parution, soit leur deuxième album paru le 21 avril dernier, With Primeval Force sous étiquette Century Media. On entend la pièce Gold Wind, qui était précédée de Skull Prayer et en ouverture de bloc, et aussi en ouverture d'album Knights of the Burning Crypt. Eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé. Je disais tout à l'heure, ça me rappelle un peu certains certains éléments, si on veut, de la formation britannique Satan, mais aussi, par moments, quelques trucs du plus récent Destroyer 666, Whitefire. Bref, c'est un album que j'ai beaucoup aimé et que, j'allais dire, au fil des prochaines semaines, vous allez sûrement réentendre, mais comme il va y avoir la pause estivale, ça ira peut-être plus à l'automne, mais bon, quoi qu'il en soit... Vous allez entendre Vampire à réanimation, c'est certain. Côté cinéma, eh bien, laissez-moi vous dire que j'ai vu des choses assez intéressantes. Oui, assez intéressantes. la conclusion d'Outsiders, saison 2, qui, je dois le dire, était une excellente saison, mais malheureusement, et quelle horreur de lire... sur les sites spécialisés Internet que la gang de cave de WGN America, le canal, les producteurs de la série, ont décidé d'arrêter la série Outsiders. Il n'y aura pas de troisième saison, ce qui veut dire que la deuxième, qui est excellente, ben, finit en queue de poisson, malheureusement, parce qu'il devait y avoir une suite. Et la raison est que WGN America a décidé qu'elle ratisserait plus large au niveau de son public, qu'elle aurait des productions qui seraient plus... moins spécialisées, peut-être. Là. Et ce que je trouve encore plus aberrant, c'est qu'Outsiders était leur numéro un au niveau des codes d'écoute pour ce WGN America. Je trouve ça tellement aberrant. On nous retire des choses comme ça. Et je me rends compte que, étant donné que les séries télévisées ont pris de plus en plus de place et le dessus sur les productions cinématographiques, ben les producteurs font à peu près n'importe quoi, puis ils font chier le peuple, je dois le dire, parce qu'ils nous retirent souvent des trucs fort intéressants, comme ils l'ont fait avec Salem aussi. Donc Salem, troisième saison, that's it, that's all, folks. Heureusement, les réalisateurs ont été visés à l'avance et un peu, ils auront été capables de faire une conclusion avec ça, mais c'est tellement aberrant de nous enlever des trucs aussi originaux et qui sont pas des trucs de TVA qu'on voit tous les jours, là, des cochonneries épouvantables. On nous sort des bonnes séries, puis on nous les enlève parce que ouf, ça attire juste 2 millions par semaine. Gang de caves. Anyway, autre truc que j'ai commencé, c'est la cinquième saison de Bates Motel. Ça aussi, c'est excellent. J'ose espérer qu'on ne l'enlèvera pas. Mais j'ai seulement 3 épisodes écoutés, donc je vais vous en parler un peu plus en détail la semaine prochaine. Mais jusqu'à présent, c'est la série la plus weird. Évidemment, Bates Motel, c'est l'histoire de Norman Bates, hein, de Psycho, et de sa mère, Norma, qui est pas tout à fait super, ben, beaucoup plus droite que lui. Mais bon, c'est très, très bon. J'ai écouté un film qui est un film de Daniel Ragouzis qui met en vedette Daniel Radcliffe et Toni Collette. Et Toni Collette, c'est pas un gars, c'est une femme. Qui est une actrice qui a qui a eu certains bons moments dans les années 90, principalement au début 2000, qu'on revoit à l'occasion. Le film s'appelle Imperium, c'est un thriller à connotation espionnage et qui raconte la vie d'un jeune agent du FBI qui doit infiltrer un groupe de suprématistes pour prévenir un attentat. C'est un film qui frise la série B, je dois le dire, mais c'est un très bon film. Et si vous aimez un peu comprendre comment ça se passe dans ces clans-là, c'est quasiment des sectes, parce qu'on voit plusieurs factions dans le film. Certaines suprématies blanches, bien entendu, mais à connotation très religieuse, alors que d'autres, c'est carrément des skinheads un peu tête brûlée. C'est vraiment intéressant, c'est captivant comme film. C'est basé sur des faits réels d'ailleurs. Donc, il aurait réussi à prévenir cet attentat qui aurait pu être assez désastreux aux États-Unis. Donc, Imperium, c'est un film intéressant. Voire bon, mais jamais aussi bon que Gold, par contre. Gold, qui est un film de Stephen Coggan, qui met en vedette Matthew McConaughey, Bryce Dallas Howard et Edgar Ramirez. Qui est un autre film qui se base sur des faits réels et qui est un thriller d'aventure et qui raconte l'histoire de Kenny Wells qui a grandi dans le milieu des chercheurs d'or, les prospecteurs, et qui reprend la compagnie de son père et qui la fout pratiquement à terre parce que M. Wells a de fortes tendances vers la bouteille, entre autres. C'est un grand amateur de whisky, d'ailleurs, il dit, dans une des séquences du film, en se réveillant, il dit « J'ai un demi-gallon de whisky dans le sang et la plupart du monde sera mort, mais pas moi. » Et il s'associe avec Mike Acosta, qui est un prospecteur qui est très, très, très devenu célèbre subitement parce qu'il a retrouvé un gisement de un filon de cuivre qui serait le plus gros gisement de cuivre à ce jour, et les deux réussissent à partir une exploitation minière, mais ça tourne pas vraiment comme ils le veulent, et je ne peux malheureusement pas en dire plus parce que je dévoilerai certains punchs fort intéressants du film, mais je vous recommande énormément de voir le film Gold. Musicalement, la deuxième présentation de la soirée s'adressera cette fois-ci à une formation qui vient de New York. Maintenant à New York, ils ont été aussi à Long Island. Je parle de la formation Artificial Brain, qui donne dans un technical death metal, mais aussi, je dirais, par moment, peut-être pas autant, parce que Gorgoth est assez unique en son genre, mais par moment, un peu aussi audacieux. On retrouve même certaines, je dirais, consonances qu'on retrouve dans Gorgoth. C'est leur deuxième album, qui s'appelle Infrared Horizon. Album qui est paru sur Profound Lorry Records. Un album qui comporte quand même pratiquement 48 minutes de musique. J'ai trouvé ça pas mal intéressant, je dois dire. Original aussi. Qui fait un peu l'antithèse du métal dont on est énormément bombardé, principalement au niveau du thrash. Et je dois dire aussi au niveau du death metal, c'est pas toujours bon. Ben, Artificial Brain, je dois dire que y a des trucs fort intéressants. Je vous propose d'aller écouter deux pièces qui sont tirées de ce deuxième album, comme je le disais, qui porte le nom d'Infrared Horizon, qui est paru le 21 avril également dernier. Et puis, histoire de vous en faire une idée, on revient après ces deux présentations qui portent le titre respectivement de Floating in Delirium et la pièce titre Infrared Horizon. Let's go! 20h31, vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM. On vient d'entendre la formation de New York, Artificial Brain, et deux pièces tirées de leur deuxième parution qui était rendue disponible le 21 avril dernier sur Profound Laurie Records, soit l'album Infrared Horizon. À l'instant, on vient d'entendre la pièce titre. Et c'était précédé de Floating in Delirium, qui est la pièce d'ouverture de l'album. Ben, si vous avez pas vu de similitude avec Gorgoth, c'est que vous êtes sourdingue. Il y en a énormément. C'est en même temps quelque peu différent. Définitivement, Gorgoth, c'est beaucoup plus de finition. Il y a beaucoup plus de moments planants qui sont excessivement bien intégrés. Mais Artificial Brain est une formation que je trouve dans le genre se débrouille très bien et ressort du lot de certaines prémoutures ou moules préfets dont nous sommes submergés trop souvent. Je vous parle maintenant de la formation française de Metz, Uneven's Structure. Le disque s'appelle La Partition. C'est leur deuxième qui est paru également le 21 avril dernier. Une formation qui existe depuis 2008, qui donne dans un progressive metal, djent, post-metal, ambient, et ainsi de suite. On peut en rajouter énormément de qualificatifs maintenant parce que il y a tellement de ramifications. C'est une formation qui... qui était une découverte aussi pour moi avec ce deuxième album, formation dont je ne soupçonnais même pas l'existence auparavant, qui se confond, comme j'ai dit, entre le progressif, le death, le djent, parfois l'extrême. Il y a une chose très particulière dans le cas de cette formation-là, en Event Structure, c'est que le vocal est majoritairement, entre guillemets, clean, bon, beau vocal, si on veut. Généralement, moi, j'aime pas plus ou moins ça, voire pas du tout. Enfin, dans le métal. Mais ici, je trouve que ça fait un contraste qui est assez intéressant. C'est très technique comme musique. On peut reconnaître assez facilement que les musiciens ont une valeur au niveau de leur capacité. Il y a de l'originalité aussi qui se retrouve dans cet album-là, puis la très, très bonne production. Tant qu'à la présentation graphique, c'est un peu ordinaire, mais bon. On va entendre une pièce qui porte le nom de Your Scent, mais avant, je vous propose d'aller faire un petit côté de la formation de Philadelphie, Dysrhythmia, que j'ai eu le plaisir de voir il y a quelques semaines, en première partie justement de Gorgoth, formation que j'ai vraiment beaucoup aimé, une pièce tirée de l'album, le dernier album de 2016, soit The Veil of Control, qui est leur septième, sous étiquette Profound et Lowry, soit Selective Abstraction. Let's go! On avait une structure. Formation française de Metz. Et la pièce Rear Scent qui est tirée de leur deuxième album, La Partition, paru le 21 avril dernier sur Basic Records. Je disais tout à l'heure que la formation donne généralement dans un vocal assez bien, assez beau. Ici, c'est un peu l'exception, voyons, exception qui confirme la règle. Quoi qu'on ait un certain échantillonnage vers la fin de la pièce, j'ai trouvé ça assez intéressant, honnêtement. C'est un peu complexe aussi. Je trouve ça captivant. Et juste avant, nous avions la très très bonne formation Deathrhythmia, formation américaine de Philadelphie, qui donne dans un metal rock technique et progressif, si on veut. La connotation jazz par moment. La pièce est en Selective Abstraction, qu'on retrouve sur leur dernière parution, la 7e, soit The Veil of Control, et qui est parue très exactement, je vais vous le dire, à l'instant, le 23 septembre 2016 sur Profound Lorry Records. Une formation qui a quand même une existence de, je dirais, près d'une vingtaine d'années, puis c'est depuis 1998. Et c'est un trio composé de Jeff Eber, qui est à la batterie, de Kevin Hofnagel, à la guitare, bien sûr, qu'on peut voir aussi avec Gorguts, bien entendu, et de Colin Marston à la bass. Bass et autres instruments à multiples cordes. C'est un véritable virtuose qu'on peut voir aussi également dans Gorguts. J'ai découvert la formation en assistant à ce spectacle et j'ai vraiment été très, très, très captivé, très intéressé par la formation. 20h47. Eh bien, cette semaine, ici même à Cifou, dès 11h ce vendredi, c'est pour les vrais amateurs de vrai rock. C'est Rock Classique en compagnie de mon ami, le Rockmaster Alain Lefebvre, qui fait cavalier seul cette semaine, une fois sur deux présentement. Et c'est une imitation. Oui, c'est toute une imitation, le Rockmaster. Une imitation de je ne sais quoi, par contre. Une émission dite régulière cette semaine. Donc, Alain vous proposera les segments habituels qui sont les éphémérides, bien entendu. Les groupes obscurs et les albums classiques. Bref, une émission à ne pas manquer dès 11h jusqu'à 17h pour les vrais amateurs de vrai rock. Aussi, si vous aimez les émissions métal, je vous invite à aller ce vendredi sur les ondes d'Underground Québec pour écouter Subversion, la subversive émission de notre ami DJ Tower of Death. Émission toujours intéressante avec souvent des entrevues, également des nouveautés et quelques bons petits gags bien placés, ainsi que d'aller consulter les chroniques de notre sinistre sinistros sur hurlemort.com. Et tant qu'à moi, la semaine prochaine, je serai là. Il reste encore deux émissions avant la pause estivale. La semaine prochaine, je vous en propose une capable, oui. Une émission qui sera très, très brutale, puisqu'elle sera entièrement consacrée au death metal et parfois brutal death metal. Parce que, entre autres, on va entendre les nouveaux albums, entre autres de la formation berlinoise Mahat, et des extraits de cet album qui est paru le 3 mars dernier, qui a été relativement dur à trouver, je dois dire, Monument Will Enslave sur Roll Attack. On va entendre aussi la nouveauté des Romains de Ideus Divinity, l'album étant Advenience, voilà, qui est paru le 28 avril. Et je propose un Special Roman Death Metal Band avec évidemment Ideus Divinity, Hour of Penance, Aid, ainsi que Flesh God Apocalypse. Donc, une émission qui aura quelques extraits, je dirais majoritairement trois extraits de chacun de ces formations-là qui sont romaines. Une émission qui va être très traumatisante pour ceux qui n'aiment pas le death metal, et tant pis pour vous, parce que moi, j'aime ça. On va poursuivre musicalement et terminer l'émission, ou à peu près, avec encore une nouveauté, celle des Suédois de Stockholm, de Firespawn. Qui est Firespawn? Eh bien, Firespawn, c'est une formation qui en a son deuxième album, qui porte le titre de Reprobate, qui est paru le 28 avril dernier. C'est aussi un des side projects de LG Petrov, celui qu'on a connu à l'époque dans Entombed, bien entendu maintenant dans Entombed AD, mais aussi projet de Alex Friberg, qui est le guitariste de Necrophobic, qu'on va entendre dans ce bloc aussi. Donc, Firespawn, une nouveauté, un album que j'ai trouvé peut-être un peu moins intéressant que le précédent Shadow Realms, mais je trouve, malgré le fait que les pièces ne sont pas très accrocheuses, c'est un album qui est assez égal et assez intéressant. Je vous propose à l'instant la pièce Death by Impalement, qui est tirée de ce deuxième album sur Century Media. On va entendre une pièce de Necrophobic, formation suédoise également. La pièce Necromancer, qui est tirée de leur dernière apparition Warm of Lily 2, le 7e de 2013. Et peut-être une partie de Goth Dethroned. Et la pièce On the Wrong Side of the Wire, tirée de l'album The World Ablaze, qui est à paraître le 5 mai. Sur Metal Blade, donc leur 10e album. Et sinon, on s'en prendra la semaine prochaine, quelque chose du genre. Donc, restez à l'écoute parce que vous devriez avoir les gens de Matière Noire à 21h. Et moi, je serai de retour à 19h la semaine prochaine. Même poste pour l'animation. Sur ce, les tous vous faire foutre. See you! come if a company was on the soul.